Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Franz Fanon, L'Indocile. Anaïs Quien, Séverine Cassard. Franz Fanon au combat, un psychiatre dans la guerre d'Algérie. La vérité est que l'étude d'un peuple occupé, soumis militairement à une domination implacable, requiert des garanties difficilement réunies. Ce n'est pas le seul qui est occupé. Ce ne sont pas les ports ni les aérodromes. Le colonialisme français s'est installé au centre même de l'individu algérien et y a entrepris un travail soutenu de ratissage, d'expulsion de soi-même, de mutilation rationnellement poursuivie. Il n'y a pas une occupation du terrain et une indépendance des personnes. C'est le pays global, son histoire, sa pulsation quotidienne qui sont contestées, défigurées, dans l'espoir d'un définitif anéantissement. Dans ces conditions, la respiration de l'individu est une respiration de combat. Le soir, à l'écoute du journal parlé ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie? La même question que je me pose aussi à chaque heure. La même question qui revient dans les délibérations du gouvernement. Qui de vous? Qui de nous n'a un fils, un fiancé, un ami là-bas? La pensée de tous ces hommes ne me quitte plus, pas plus que celle des Européens d'Algérie, pas plus que celle de tous les musulmans d'Algérie, qui sont devenus nos frères en combattant et en mourant à nos côtés durant deux guerres mondiales. La volonté du gouvernement, sa tâche essentielle, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Fanon était quelqu'un qui était à la fois un type très vibrant, qui inventait sa pensée à partir de son corps. Il pouvait très bien avoir une certaine joie de vivre, il pouvait très bien avoir des grands amours, mais il fallait quand même qu'une parole s'arrache de ce qu'il vivait, de ce qu'il percevait. C'était un homme ardent. Pouvait donner l'impression d'être inabordable, cassant, un petit peu inaccessible. Quand il avait peur de ne pas être aimé, on pouvait très bien le critiquer quand il savait qu'on l'aimait. Aujourd'hui à 13h, les délégués du FLN, Krim Belkacem et Mahmoud Cherif, arrivés depuis mardi dernier en Tunisie, ont annoncé devant une cinquantaine de journalistes la constitution du gouvernement provisoire algérien. L'intégration se fait par le passage à l'hôpital psychiatrique de Blida, où Fanon constate les séquelles de la violence de la torture, la violence coloniale. Et c'est par cette sensibilisation à ces séquelles de la torture comme étant des violences typiquement coloniales qui peut établir un lien, une communauté de vécu en tout cas avec les Algériens colonisés et les Martiniquais eux aussi colonisés. Et c'est après ce passage qu'il s'engage dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, il ne se bat pas à proprement parler. Il en rêve. Il en rêve, il a envie de rejoindre les soldats, voilà, dans le maquis. Donc en fait, c'est une vie quand même extrêmement extrêmement intense, hein, entre ses premiers textes et puis la publication des D'années de la Terre. C'est vraiment un homme incandescent, avec quelque chose d'abîmé, proche un peu du martyr, peut-être. C'est quelqu'un qui paye l'addition, je crois à ça. Voilà, il y a des gens qui payent l'addition, lui paye l'addition. Il la paye dans son corps, alors voilà... Né en 1925 à Fort-de-France et enterré en 1961 en Algérie, Frantz Fanon pourrait faire partie d'un temps révolu, le temps des colonies. On aimerait pouvoir remiser soigneusement sa pensée sur l'étagère des témoignages d'une histoire passée, comme une relique, comme la trace ténue d'une histoire lointaine, cicatrisée. Ses écrits, de Peau noire masque blanc aux damnés de la terre, font pourtant toujours écho de manière incendiaire aux relations raciales du XXIe siècle. Né aux Antilles françaises dans l'entre-deux-guerres, Frantz Fanon y est devenu l'emblème de la décolonisation à travers son engagement dans la guerre d'Algérie aux côtés du FLN. Si Fanon est considéré comme un penseur politique de la domination coloniale, il est avant tout psychiatre. C'est avec ses yeux de soignant qu'il aborde la situation des relations interraciales aussi bien aux Antilles qu'en France ou en Algérie. Aujourd'hui, le nom de Frantz Fanon résonne à l'échelle planétaire. Une référence incontournable lorsqu'on évoque la condition noire et la violence coloniale qui explose après la Deuxième Guerre mondiale. En 1956, Fanon s'engage dans sa deuxième guerre. Cette fois-ci, ce n'est plus pour défendre les valeurs républicaines françaises face au nazisme, mais contre l'ordre colonial de l'Empire français. Sur le territoire où s'écrit la forme la plus violente de la domination européenne et de sa contestation, l'Algérie. Le psychiatre devient Moudjahid et Frantz Fanon se fait appeler Omar. De Tunis à Accra, en passant par le désert malien, les dernières années de sa vie sont une traversée du monde colonial en révolution. Dans les rangs du FLN, il œuvre désormais directement pour la révolution algérienne en tant que théoricien, et toujours en tant que psychiatre. Fanon louvoie entre sa liberté de penser et les contraintes d'appareil politique. Lui, qui n'a jamais été encarté, fait désormais partie de la guerre de libération algérienne. Ici, la voix de la République algérienne. Comment la révolution en marche algérienne, comment la guerre d'indépendance algérienne finit par entrer dans cet hôpital psychiatrique de Blida-Joinville? Par plusieurs canaux. En ce qui concerne Fanon, c'est que il y avait pas mal de détenus déjà. On commençait à arrêter pas mal de gens, à Blida entre autres, etc. Alice Cherki, interne à l'hôpital de Blida-Joinville. Et Fanon, lui, il allait au ciné-club de Blida pour présenter des films plutôt très engagés. Et la rumeur se fait sentir que quand même, voilà, un psychiatre qui parle comme il parle, comme ça. Et Salah Louanchi et Pierre Chollet, qui avaient lu Peau noire et masque blanc, se sont approchés progressivement de Fanon. Salah Louanchi, qui était de la Fédération de France, et Pierre Chollet, qui était vraiment un militant aussi pour l'indépendance, puisqu'il avait déjà été arrêté par les paras, puis relâché, etc., le mettre en contact avec les gens de la Wilaya 4. La Wilaya 4, c'était ceux qui étaient montés au maquis, au-dessus de Blida, Shreya, etc., avec donc des gens qui étaient plus gradés, etc., avec qui, d'une part, Fanon propose son aide pour les cas en souffrance, parce que dans ces conditions-là, il y a quand même pas mal de moudjahidines qui peuvent déraper, qui peuvent avoir besoin d'être soignés ou pour une dépression, pour enfin peu importe. D'abord cette première aide, et puis après, progressivement, au fur et à mesure de l'enclenchement d'une guerre interminable. Journal des actualités françaises, 25 juillet 1956. En Algérie, dans la région de Blida, où les rebelles se sont manifestés ces derniers temps, les parachutistes ont accompli en 48 heures une action de nettoyage et de pacification totale. La population, révoltée par les exactions des rebelles, a spontanément apporté son aide aux paras, ce qui leur a permis de découvrir les repères où les félagas cachaient leurs armes. Jean Calfa. Les hôpitaux psychiatriques sont des endroits parfaits pour cacher des résistants. Et tout naturellement, au fur et à mesure des rencontres, on sait, par le biais d'un certain nombre de réseaux alternatifs, d'ailleurs de médecins aussi, on sait qu'il se trouve là un jeune médecin. Donc il rencontre des militants du FLN et petit à petit, il accepte de cacher des combattants dans l'hôpital. Fanon arrive en Algérie et à Blida en particulier, au tout début de la guerre d'Algérie. Au bout d'un an, il est déjà impliqué très profondément dans le processus de guerre d'indépendance. Mais on sait aussi qu'il est très vite soupçonné de travailler pour le FLN, et c'est ce qui va rendre sa situation impossible. Il est soupçonné de travailler avec le FLN, et c'est la vérité. C'est la vérité, oui, bien sûr. Alors maintenant, qui a témoigné de cela? Comment est-ce que ça s'est su? Ça, on ne sait pas encore très clairement, mais il est clair que Fanon était dans la ligne de mire des autorités dès le début, sans doute, de l'année 56. Donc les choses devenaient de plus en plus difficiles pour lui. Il a publié d'ailleurs certains textes, il a en particulier un très beau texte contre l'ethnopsychiatrie coloniale, clandestinement. Dans une revue qui s'appelait Conscience maghrébine, donc créée par ou gérée par des chrétiens de gauche, anticoloniales, renéotypée, publiée clandestinement, et Fanon, on le sait, contribue à un article fort intéressant, qui est une critique ironique et en même temps radicale de l'idée que l'indigène est par nature inférieur mentalement, limité à un développement psychologique d'un enfant de 5 ans, mais sans le potentiel de sortir de ce stade-là, alors que l'enfant de 5 ans ensuite acquérera une conscience psychologique bien plus complexe. Les gens, y compris Fanon, lui, croyaient que les socialistes allaient régler la question, que cette guerre allait se terminer par des négociations, des choses comme ça. La guerre s'enlise, avec une répression, c'est à ce moment-là que les pouvoirs spéciaux, l'arrivée des paras à Alger, de Lacoste, maintenant vous entendez vaguement parler de Maurice Audin, etc., et sans compter tous les anonymes. Déjà, ça commençait à arriver à l'hôpital, hein, qui était considéré comme un nid de félagas. Donc de proche en proche, après c'est les blessés que l'on soigne clandestinement la nuit. Et Fanon est de plus en plus en contact avec la réalité, non seulement du statut des Algériens colonisés, et aussi du mouvement d'indépendance. Et du coup, les infirmiers qui étaient secrètement pour le MTLD ou pour le mouvement de libération, eh ben, prennent confiance. C'est-à-dire qu'ils savent que dans l'hôpital, il y a des gens qui sont comme eux, qui pensent comme eux. Et il y a une grève qui est déclenchée fin 56. Et la répression par le ministère de la Santé, par le directeur de l'hôpital, etc., est féroce. Et Fanon, c'est à ce moment-là qu'il écrit cette lettre à Lacoste. Monsieur le ministre, la décision de sanctionner les grévistes du 5 juillet 1956 est une mesure qui, littéralement, me paraît irrationnelle. Ou les grévistes ont été terrorisés dans leur chair et celle de leur famille, alors il fallait comprendre leur attitude, la juger normale compte tenu de l'atmosphère, ou leur abstention traduisait un courant d'opinion unanime, une conviction inébranlable, alors toute attitude sanctionnée était superflue, gratuite et inopérante. Je dois à la vérité de dire que la peur ne m'a pas paru être le trait dominant des grévistes. Bien plutôt, il y avait le vœu inéluctable de susciter dans le calme et le silence une ère nouvelle, toute de paix et de dignité. Le travailleur dans la cité doit collaborer à la manifestation sociale, mais il faut qu'il soit convaincu de l'excellence de cette société vécue. Il arrive un moment où le silence devient un mensonge. Qu'est-ce que ça va déclencher, la répression de cette grève des infirmiers en 1956? Ça va déclencher que déjà, à cela, par exemple, interne, se dit « je ne vais pas rester à l'hôpital psychiatrique ». Et il part à Alger, moi ça je trouve que c'est un truc, parce que j'ai mis des années après à savoir, pour faire un remplacement de médecin à Alger. 3 mois plus tard, il est arrêté par les paras. Et il fait partie de ceux dont le corps a été jeté, vous savez, quand les hélicoptères prenaient les cadavres et les jetaient dans la Méditerranée. On n'a plus jamais retrouvé son corps, alors qu'il avait une famille qui poursuit jusqu'à aujourd'hui, hein, sans savoir ce qui s'est passé. Qui est cet homme, Asla, dont vous parlez? C'était un interne que j'aimais beaucoup. Il a écrit un très très bon article co-signé avec Fanon sur l'agitation au milieu psychiatrique, qui était à l'époque très d'avant-garde, montrant que l'agitation est un langage. Mais entre-temps, on recevait non seulement des gens parmi les tortionnaires, dont il y a un cas dans le trouble mentaux de ce gendarme tortionnaire qui passait complètement... Je veux dire que pendant 20, des années, personne ne s'intéressait aux textes qui montrent réellement la situation de l'époque. Franz Fanon, Les damnés de la Terre. Cas numéro 5. Un inspecteur européen torture sa femme et ses enfants. Monsieur R, 30 ans, vient spontanément nous consulter. Il est inspecteur de police et constate depuis quelques semaines que cela ne tourne pas rond. Marié, 3 enfants, il fume beaucoup, 5 paquets de cigarettes par jour. Il n'a plus d'appétit et son sommeil est fréquemment agité de cauchemars. Ces cauchemars n'ont pas de caractéristiques propres. Ce qui le gêne le plus, c'est ce qu'il appelle ses crises de folie. D'abord, il n'aime pas être contrarié. Docteur, expliquez-moi cela. Dès que je rencontre une opposition, j'éprouve l'envie de frapper, même en dehors du boulot. J'ai envie de travailler le gars qui me barre la route. Il n'aime pas le bruit à la maison. Il a envie de frapper tout le monde tout le temps. Et effectivement, il frappe ses enfants, même le petit de 20 mois, avec une rare sauvagerie. Mais ce qui l'a effrayé, c'est qu'un soir où sa femme l'avait particulièrement critiqué de trop frapper les enfants, il s'est jeté sur elle, l'a battue et ligotée sur une chaise en lui disant « Je vais t'apprendre une fois pour toutes que c'est moi le maître dans cette baraque. » Heureusement, ses enfants commencent à pleurer et à crier. Il réalise alors la gravité de son comportement, détache sa femme, et le lendemain, décide de consulter un médecin spécialisé dans les nerfs. Il précise qu'avant, il n'était pas comme ça, qu'il corrigeait rarement ses enfants et ne se disputait en tout cas jamais avec sa femme. Les phénomènes actuels sont apparus depuis les événements. C'est que, dit-il, ces messieurs du gouvernement disent qu'il n'y a pas de guerre en Algérie et que les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, doivent ramener le calme. Mais il y a la guerre en Algérie. Quand ils s'en rendront compte, ce sera trop tard. Ce qui me tue le plus, ce sont les tortures. Je torture des fois 10 heures d'affilée. Cela fatigue. Il est vrai qu'on se relaie, mais c'est une question que de savoir à quel moment passer la main aux copains. Chacun pense qu'il est sur le point d'obtenir le renseignement et se garde bien de céder l'oiseau préparé à l'autre qui, naturellement, en tirera une gloire. Alors, on lâche ou on ne lâche pas. Quand le gendarme vient, parce qu'il bat sa femme, il bat ses enfants, etc. Mais lui, il vient. Pourquoi ? Il vient parce qu'il veut que le psychiatre lui donne une mutation pour aller en France, pour plus rester sur le terrain. C'est pour ça qu'il accepte de consulter. Alice Cherki. Aussi, autre chose, il y a la fille de Froger, je me souviens, qui était très mal, qui fait un entretien avec Fanon, et Fanon... Et il apprend comme ça qu'il y a un complot. Il téléphone à Mandouze en lui disant « Mais c'est le secret professionnel, je fais quoi ?» Voilà. Il apprend un complot en cours d'organisation pendant une séance Pendant une consultation. Pendant une consultation, ce n'était pas vraiment de la psychothérapie, c'était des séances. Tout ça se joue beaucoup à l'époque. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on... Parce que c'est une question d'attentat meurtrier. Donc la guerre entre chaque jour davantage dans l'hôpital et dans les consultations. Entre dans l'hôpital et dans les consultations. On est dedans, quoi. Je veux dire, on est vraiment dedans par tous les fils, je dois dire. Journal des actualités françaises, 6 juin 1956. Alger même, au cours d'une opération massive préparée dans le plus grand secret, la vieille Casbah a été verrouillée par 7000 hommes pendant que, sous la surveillance d'un hélicoptère, les forces de police fouillaient la ville arabe aux 1000 ruelles, maison par maison. D'importants stocks d'armes ont été saisis, une imprimerie clandestine découverte, 500 arrestations opérées. Parmi les suspects, on compte plusieurs chefs terroristes. Alger respire. On pourrait dire qu'à la mi-56, les violences de guerre, les attentats, les répressions... dans toute l'Algérie, et notamment dans la région de Blida, etc., s'installe. Dans la police, les ordres sont très stricts pour arrêter les gens, pour, etc. Le système de violence-répression s'installe. On entre dans un état de guerre. Et à l'hôpital psychiatrique, on y participe. On n'est pas, parce que tout ça est clandestin. Je veux dire, accueillir la nuit des blessés qu'on opère pendant la nuit, c'est clandestin. Mais vous vous êtes mis d'accord pour le faire ensemble ou c'est quelque chose qui existait déjà et auquel vous finissez par prendre part? Est-ce que ça a été une prise de décision? C'est Fanon qui accueillait les blessés de nuit clandestins chez lui. Mais on était tous d'accord. D'ailleurs, la police française l'a su, puisque après le départ de Fanon, ils sont venus pour arrêter tout le monde. On avait été prévenus par un lointain cousin de Charles, Géronimi, qui avait fait savoir que la police allait faire une descente en janvier 57, à l'époque où il y a eu tant de gens arrêtés, pour arrêter les internes. Sanchez et sa femme n'ont pas voulu partir. Ils se retrouvaient en camp jusqu'à la fin de la guerre. Moi, j'avais 20 ans ou 21 ans. J'avais pas envie d'aller en tôle. En plus, j'avais vu déjà tellement de femmes de ma génération qui avaient été emprisonnées, aussi bien européennes que musulmanes. Et on est parti clandestinement avec Charles à ce moment-là, en janvier 57. Mais clandestinement, en disant qu'on allait respirer à Paris, etc. Parce que tous ceux qui sont restés à l'internat ont été arrêtés. Je vous dis, Sanchez, il a passé 6 ans en camp, à Lodi ou je sais plus où. Monsieur le docteur Franz Fanon, médecin des hôpitaux psychiatriques, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, à monsieur le ministre résident Robert Lacoste, gouverneur général de l'Algérie. Monsieur le ministre, les intentions maîtresses de l'existence personnelle s'accommodent mal des atteintes permanentes aux valeurs les plus banales. Depuis de longs mois, ma conscience est le siège de débats impardonnables. Et leur conclusion est la volonté de ne pas désespérer de l'homme, c'est-à-dire de moi-même. Ma décision est de ne pas assurer une responsabilité coûte que coûte, sous le fallacieux prétexte qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pour toutes ces raisons, j'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous demander de bien vouloir accepter ma démission et de mettre fin à ma mission en Algérie avec l'assurance de ma considération distinguée. En fait, l'année 56, c'est vraiment une année d'approfondissement de la guerre. Sylvie Thénault, historienne. On est encore au début du conflit quand ce sont les Algériens qui ont les initiatives. C'est-à-dire qu'on est concrètement dans la situation où les maquis se développent, c'est le FLN qui gagne en puissance et les forces françaises qui sont un peu dans la réponse pour tenter de limiter le développement du FLN. Mais on est dans une période de la guerre où le FLN a l'initiative encore. Et dans l'histoire de la guerre, c'est un moment fondamental parce que c'est le moment 56 où Guy Mollet obtient les pouvoirs spéciaux et engage le contingent massivement. Il y avait déjà eu du contingent envoyé en Algérie, mais à partir de 1956, ça devient massif. Les pouvoirs spéciaux, c'est une carte blanche. Hein. C'est une loi qui donne toute latitude au gouvernement pour agir en Algérie, et le gouvernement ensuite agit par décret. Donc on n'a plus aucune prise sur les décisions qui sont adoptées. Et Robert Lacoste a une position particulière. Il incarne complètement la politique des pouvoirs spéciaux. Et sur le plan de la répression, il y a deux événements très notable en 1956. Il y a d'une part en juin la première exécution de condamnés à mort algériens. Jusque-là, il y avait eu des condamnés à mort, mais aucune exécution. Et c'est un choix que fait le gouvernement de Guy Mollet. Les dossiers passent en Conseil supérieur de la magistrature, le président se prononce, etc. Mais il y a une décision gouvernementale derrière. Et on sait qu'il y a une forme d'escalade nouvelle par cet acte. Et en octobre, il y a l'arraisonnement des dirigeants du FLN, de l'avion qui transporte des dirigeants du FLN, Ben Bella, Itt Ahmed, il y a Mostefa Lachraf avec eux, l'écrivain et intellectuel algérien, et c'est un acte qui est dénoncé comme un acte de piraterie aérienne. Donc l'année 1956 est une année où on franchit des seuils dans l'affrontement mutuel et du côté français dans la répression du nationalisme. C'est aussi une année où le FLN gagne vraiment tous ses ralliements. Parce qu'au début de la guerre, le FLN, c'est vraiment un groupuscule. Hein. Ce sont quelques centaines d'individus qui se lancent dans l'aventure des attentats, dans l'idée, et ils y réussissent, de créer une dynamique et d'être rejoints. Mais à ce moment-là, dans le champ politique algérien, il y a d'autres forces. Il y a notamment l'UDMA de Ferhat Abbas, il y a les Oulémas. Et le FLN, jusqu'en 1956, travaille au ralliement des autres forces. Et en 1956, c'est fait. Et le geste de Fanon, on peut peut-être y voir cette double dimension, à la fois un refus de cette répression accrue et redoublée, et un FLN qui paraît être vraiment la force en train de s'organiser pour lutter vraiment, réellement, efficacement pour l'indépendance. On évoque très souvent l'engagement de Fanon dans la guerre d'indépendance algérienne. Pour autant, on n'entre jamais dans les détails. Vous voulez expliquer ça? C'est-à-dire de quelle branche de ces forces de libération il faisait partie? De quel membre de cette guerre et de ces guérillas avec lesquelles il se sentait le plus d'affinité? En effet, on a attendu longtemps pour avoir une vision un peu complète de ce que l'armée française avait fait à l'époque et du rôle des politiques. Ça a mis de longues années, voire des décennies. François Gèze, éditeur. Et du côté algérien, c'était plus difficile encore, parce que les Français, évidemment, les historiens français étaient mal placés pour faire cette histoire-là. Alors certes, on connaissait l'affrontement initial, primordial, si on peut dire, entre le MNA de Messaliach, qui était le fondateur du nationalisme algérien, et le FLN qui apparaît avec l'insurrection de novembre 1954. Mais au-delà même de cet affrontement, qui a été meurtrier au demeurant, avec des milliers de morts, y compris, surtout sur le territoire français, il y avait des tensions extrêmes et complexes et mal connues, parce que tout ça se déroulait dans la clandestinité, bien entendu, entre la clandestinité en Algérie même, au sein de l'armée des frontières en Tunisie essentiellement, et ainsi qu'en Libye, en Égypte, où étaient basés d'autres, et notamment le GPRA en Égypte, d'autres éléments, disons, du mouvement nationaliste algérien. Donc tout ça dressait un panorama extrêmement complexe. Et donc Fanon, là-dedans, quand il s'engage, il est à Blida, et très tôt, il est en contact avec les membres du FLN, y compris Abad Ramdan, c'est-à-dire vraiment des leaders du mouvement de libération. Alors évidemment, qui était dans la clandestinité, et les contacts qu'il pouvait avoir étaient de type clandestin. On sait seulement que, en effet, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus, parce que le climat, effectivement, autour de lui, on est en 56, à la veille de la bataille d'Alger, le climat en Algérie et Alger même, où Blida se trouve à côté d'Alger, devenait absolument effroyable, épouvantable, et donc les conditions de travail sereines pour un psychiatre dans un établissement comme celui-là n'existaient plus. Et donc c'est ce qui l'a amené à donner sa démission. Avec d'ailleurs une histoire très intéressante, c'est que cette lettre, qui est magnifique, elle est datée de décembre 56, n'est-ce pas? Eh bien, cette lettre, en fait, on a travaillé là-dessus. Moi, j'ai mis en évidence le fait qu'il l'avait rédigée dès le mois de juin, dès l'été. Et que donc, il a attendu presque 6 mois pour l'envoyer. Parce que quand on travaille là-dessus, on se rend compte qu'il fait allusion à des événements de l'été 56. Et pas à des événements de l'automne 56. Il l'a pratiquement très peu mis à jour. Donc il a attendu 6 mois avant de l'envoyer. Donc ça veut dire que c'est une décision mûrement réfléchie. Il savait qu'en l'envoyant, sa carrière de médecin psychiatre à l'hôpital de Blida était terminée. Il savait qu'il devrait quitter l'Algérie, qu'il était persona non grata, et que donc il avait décidé de rejoindre le mouvement de libération nationale. C'est un texte où Fanon écrit qu'il lui est devenu impossible de continuer à exercer dans de telles conditions, car c'est le système colonial lui-même qui crée la maladie mentale ou les maladies mentales qu'il doit traiter. Et d'ailleurs, on sait que quand il écrit cela, il pense sans doute aussi non seulement aux Algériens qu'il traite, mais aussi aux policiers. Jean Calfa. Non seulement aux gens qui ont été torturés, mais aussi aux gens qui ont torturé, dont il reproduit dans Les damnés de la terre des dossiers médicaux. Donc c'est le système lui-même colonial qui produit la maladie, et en tant que psychiatre, il doit partir, il ne peut plus la traiter, c'est impossible. Il a écrit d'ailleurs quelques textes là-dessus qui sont assez intéressants, sur le fait que dans une société coloniale, il n'y a pas un seul contrat social, mais deux ou plusieurs contrats sociaux, et que les différents groupes sont incapables de communiquer à cause de cette incompatibilité des cadres, en fait, qui organisent la structure même de la responsabilité mentale ou de l'autonomie. Et c'est sans doute, c'est un très beau texte d'un point de vue rhétorique, mais c'est aussi un texte tout à fait représentatif de la pensée de Fanon à ce moment-là sur ce qu'est la nature du système colonial. Fanon a été expulsé. Il a démissionné, mais la réponse a été l'expulsion. En laissant d'ailleurs sa femme et son fils en rade. Et Olivier, c'est un bébé. Il a fallu que ce soit Claudine et Pierre Chollet qui s'occupent de Josie et d'Olivier pour arriver à ce qu'ils puissent d'abord être recueillis, parce que Josie était un peu démunie, et puis qu'elle puisse rejoindre, pas tout de suite, on n'a pas rejoint Fanon tout de suite. En plus, comme il était payé par Lacoste à Alger, par le gouverneur général, il n'avait plus un rond quand il est arrivé à Paris. Alice Cherki et Charles Geronimi retrouvent Frantz Fanon à Tunis après un passage à Paris et un périple transalpin. Fanon nous attendait finalement. Oui, on était attendus, on était agréablement surpris parce qu'on était attendus. Et Fanon plus particulièrement parce qu'on était quand même ses élèves. Et qu'est-ce qu'il faisait lui là-bas à ce moment-là en Tunisie ? Fanon, il était à la fois dans le journal qui s'appelle El Moujahid, du côté francophone, parce qu'il y avait une édition en arabe, une édition en français. Personne ne signait, mais c'était le journal du Front de Libération. Donc, il y avait une petite équipe dont il faisait partie très activement. Je crois qu'il y avait Pierre, lui, Reda Malek, des intellos, ils avaient fait des études, quoi. Y compris Reda Malek qui avait des études de philo. Il avait un poste. On avait tous eu, à l'époque, c'était quand même Ben Salah, qui était ministre de la Santé. La Tunisie venait d'avoir son indépendance. Et comme dans les postes de médecine, beaucoup de Français étaient partis, donc on nous proposait, c'était un deal, quoi, de travailler en partie pour la Tunisie, parce qu'il y avait besoin de gens. C'est comme ça que Pierre Chollet s'est retrouvé en pneumologie, et Fanon psychiatre. Et Ben Sultan, qui avait pris le poste de directeur de l'hôpital, tout content, à la Manouba de Ben Sultan, c'était le psychiatre qui avait été sous les ordres du psychiatre français qui avait quitté à l'indépendance l'hôpital psychiatrique de la Manouba, parce qu'à l'époque, les hôpitaux psychiatriques, ils étaient sous la tutelle française. Donc jusque-là, il avait pour chef un cadre colonial, en fait. Absolument, voilà. Et il se retrouve à le chef à son tour. Et quand Fanon est arrivé, il a tout de suite été travaillé à la Manouba, il y avait un internat, on a logé. Lui logeait aussi à l'internat, mais dans un pavillon pour médecins. Nous, on était à l'internat qui ressemblait comme deux gouttes d'eau aux hôpitaux psychiatriques de l'époque, les plus archaïques qui soient. Mais je dois reconnaître que les Tunisiens, d'abord, ils ont très bien accepté les Algériens, même si beaucoup d'entre eux se sont comportés comme en pays conquis, parce que, voilà, c'était les combattants, etc. Et la Tunisie venait d'acquérir son indépendance, donc elle était en pleine ébullition. Beaucoup de Français fonctionnaires, etc., étaient partis, mais il y avait encore le Parti communiste tunisien qui avait beaucoup fait pour l'indépendance. Et au Parti communiste tunisien, vous aviez beaucoup de Juifs et d'Européens qui avaient travaillé ensemble. Donc cette société-là existait encore. Ce n'était pas les départs massifs de 62 d'Algérie. La Tunisie, c'est un petit pays, mais où c'était pas désagréable de vivre. C'était un peu, pas très intellectuel, etc., pour trouver des livres, des choses comme ça. Enfin, on était tellement occupés, il fallait quand même aller aux frontières, commencer à voir tous les réfugiés qui arrivaient, la ligne Maurice qui s'installait, donc avec l'armée qui se constituait, l'armée algérienne aux frontières, avec les combattants qui combattaient pas, et des gens qui venaient aussi de France, d'Allemagne, etc., pour aider. Puis tous ceux qui sortaient de tôle, mais la vie de tous les jours, la vie même culturelle, hein, il y avait des trucs, n'étaient pas du tout arrêtés. On mangeait à la Goulette, on allait à la plage. Non, c'était pas désagréable du tout. Hein. Marie-Jeanne Manuelan, sous la dictée de Frantz Fanon. Fanon et les femmes. On dirait que ça tracasse encore l'esprit de certains. Moi, je ne lui ai connu qu'une femme, Josie, et la révolution algérienne. Mais il professait des théories bien précises sur les relations idéales entre un homme et une femme. Il en parlait à table lors des repas partagés. Il était partisan des amours contingentes, Sartre et Beauvoir. Il disait que les gens qui divorçaient étaient des fous. Deux individus se rencontraient, s'aimaient, s'épousaient s'ils pensaient décider en pleine conscience de construire dans la durée un couple. C'était un contrat pour la vie, le point fixe, stable, comme le pacte de Beauvoir et Sartre. Mais la contingence, justement, faisait qu'il pouvait y avoir des rencontres, des amours parallèles, pas seulement des passades, qui pourtant ne remettaient pas en cause le contrat. Chacun des deux contractants, le mari comme la femme, se devait d'accepter ses amours contingentes, chacun respectant avec loyauté la liberté de l'autre. Cette acceptation était la preuve de l'amour véritable, où deux êtres se reconnaissaient comme sujets. Pour Fanon, les jaloux étaient des parano dangereux qu'il fallait fuir. Il disait que la jalousie était un mal à extirper pour que l'humain soit vraiment adulte. Chacun doit pouvoir vivre sa liberté. Ce n'est pas facile, mais c'est ça l'amour véritable. Mais, ajoutait-il, impossible maintenant de mettre cela en pratique. Il faut d'abord faire la révolution. La révolution algérienne, évidemment. Jean Calfas, il y a bien un endroit où Frantz Fanon rencontre de la résistance, peut-être même de la contestation en tant que psychiatre, c'est curieusement en Tunisie. Oui, évidemment, parce qu'il s'oppose aux techniques qu'il rencontre utilisées donc à l'hôpital de la Manouba, qui sont des techniques traditionnelles avec enfermement des malades, qu'il demande donc la libération des malades. Il se met à dos la plupart des médecins qui s'opposent à lui, qui organisent même un complot contre lui. On l'accuse d'avoir monté un complot sioniste, des manœuvres assez dérisoires évidemment. Il est soutenu d'ailleurs en fait par le ministre de la Santé et donc on lui propose de quitter l'hôpital psychiatrique et donc il obtient de créer un centre de jour attaché donc à l'hôpital général Charles Nicolle, donc un grand hôpital médical classique de Tunis, et c'est là en fait qu'il fera l'essentiel de sa carrière psychiatrique en Tunisie. Il a voulu tout révolutionner. Encore. Oui. Et c'est là qu'il y a eu cette histoire, mais je crois qu'elle vaut la peine d'être racontée, hein, de Bensultan. En plus, il a amené deux internes avec lui. Il a été dire que nous étions des agents du Mossad. Au gouvernement tunisien ? Oui, tous les trois, hein, qui était la pire des crimes. Je ne sais pas où il avait trouvé ça, vraiment, dans sa tête de... Enfin bon. Alors, heureusement que... Ben Salah, qui était quelqu'un de très futé, très fin, etc., a dit, ah ben, puisqu'il dépend de la base, ça s'appelait la base algérienne, il faut que j'avise la base, les gens du FLN. Alors, la réplique a été, ah ben oui, mais ça c'est un crime très grave, on va les prendre, et c'est une condamnation à mort. Alors là, Ben Sultan a un peu reculé, là. Mais dans le même temps, le ministère tunisien a donné à Fanon un pavillon vide dans l'hôpital général pour créer un hôpital de jour. Donc nous avons construit avec Fanon cet hôpital de jour Il n'a jamais abandonné tout le temps où il a été en Tunisie, il n'a jamais abandonné son travail psychiatrique. Il allait aux frontières, il recevait pas mal de gens de familles algériennes et autres, et tunisiennes, et il promouvait en même temps cette chose très très moderne à l'époque, si vous voulez, parce qu'il n'en existait quasiment pas, des hôpitaux de jour. Je crois qu'il en existait un en Angleterre, mais c'est tout, dans lequel le principe est que les patients, les pensionnaires, comme ils disaient, à l'époque c'était plus des pensionnaires, c'était des demi-pensionnaires, rentraient chez eux le soir pour ne pas rompre avec leur milieu social et familial. Voilà, il a créé son propre service, avec nous. Commandant Azdine, 18 février 1988. Je l'ai rencontré à ma sortie, c'est-à-dire en 1959, à Tunis. Je venais d'arriver à Tunis, c'était suite à ma 13e blessure. Et le premier contact que j'ai avec lui, c'est surtout Fanon le psychiatre. Parce que les premières questions qu'il m'avait posées, c'était en quelque sorte, il était inquiet de ma santé. Et je vais m'expliquer. Voilà la question qu'il m'avait posée. Bon, commandant, je voudrais savoir. Il m'a dit, c'est brutal. Hein? J'ai dit oui. Il m'a dit, je connais la rigueur morale de la guerre d'Algérie. Je voudrais savoir, depuis quand tu n'as pas eu de rapport sexuel? Ah, moi, une question comme ça posée brutalement, je dis, mais de quoi il se mêle celui-là? Un fort intérieur, j'avais... Ça m'a choqué, parce que nous sommes assez... Surtout à l'époque... Bon, donc j'ai répondu... Et là, je suis assez pudique, je ne veux pas aller très loin. Et il s'est occupé de moi. Et en quelque sorte, je le remercie avec beaucoup de retard. Lui, maintenant, il est mort, moi je suis vivant. Il m'a soigné. Voilà. Ça, c'est la première rencontre avec lui. Donc il a créé ce qu'on appelait un hôpital de jour, plutôt sous l'influence de la psychiatrie anglaise, qui s'était développée d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les patients rentrant passaient la nuit dans leur famille, certains même travaillant pendant ce temps-là. Donc il a remis en question le modèle même de l'hôpital de Saint-Alban, où les gens résidaient. Et Fanon préférait et a défendu ce modèle-là en disant que finalement, il valait mieux que ce soit un véritable environnement social qui participe à la thérapie. Mais ce qu'il faisait dans le centre de soins de jour, c'était le matin des électrochocs, et puis l'après-midi des psychothérapies individuelles ou de groupe. Donc il n'a jamais renoncé à ce modèle-là. Peut-être que c'est cela aussi qui a un petit peu oblitéré rétrospectivement ces textes-là de Fanon, mais ce sont justement des textes fort intéressants parce que toutes ces recherches donc sur le choc, que ce soit d'ailleurs la théorie du choc neurologique initial, ou que ce soit la théorie du choc thérapeutique qui va déconstruire ou dissoudre, comme on disait, ces personnalités pathologiques, toutes ces théories de choc, c'est ce qu'il va utiliser pour penser la révolution algérienne et la décolonisation plus largement mondiale dans les damnés de la Terre. C'était ça, Fanon, c'était pas le contemplatif, hein, c'était un meneur d'homme, mais ça c'est un mot qui le caractérise assez, c'est sûr ça. Mais pas du tout un meneur d'homme à la baguette, comme un militaire, non. Hein, par son tonus, il était constamment sur la brèche, on ne pouvait pas rester indifférent devant Fanon. Il vous agressait constamment par sa présence, son verbe, son intelligence, sa foi, sa convivialité. Enfin, un vivant. Hein. Et donc on était obligé de le suivre ou de le haïr. Enfin, on ne peut pas être indifférent. Ça. Bon, alors, je crois que nous sommes beaucoup à l'avoir suivi, mais il y en a beaucoup qui le haïssaient. Surtout ses ennemis politiques. Alors là, c'était la haine tenace qui persiste encore. Postface de Mohamed Harbi aux damnés de la Terre, édition 2002. Je l'ai connu en Tunisie en 1959, où nous collaborions tous deux à des instances du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Nous avions en commun une interprétation sociale des événements révolutionnaires et le rejet des rationalisations désincarnées sur le rôle d'avant-garde des intellectuels. Nos désaccords portaient sur le rôle moteur qu'il accordait à la paysannerie, sur sa croyance en une conscience nationale unanime et son approche du phénomène religieux. Sur ce dernier point, Fanon ne pouvait, par situation, il vivait au contact de militants plutôt agnostiques, mesurer la place dérisoire que la pensée des Lumières occupait dans les espaces culturels algériens. Cette pensée n'était qu'un petit affluent du fleuve qui était à l'origine de l'adhésion au FLN d'une majorité plus sensible à l'influence de la religion. La dimension religieuse de la guerre pour l'indépendance, elle est très très très difficile à synthétiser et puis même à mesurer. Parce que, en fait, Sylvie Thénault, tel que je l'ai perçu, il y a une évolution de l'historiographie qui est peut-être aussi celle d'une vision, je dirais, française et occidentale du mouvement nationaliste algérien. C'est-à-dire que pour un certain nombre de militants français qui ont soutenu le FLN, c'est une organisation révolutionnaire, pour les tiers-mondistes aussi, et tout cela prend de l'ampleur après 1962. Donc il y a cette vision de laquelle la religion, effectivement, est absente. Et concrètement, dans le vocabulaire du soulèvement et de la guerre, on a bien recours à des termes qui sont à connotation religieuse. On parle de djihad, pas au sens où on en parlerait aujourd'hui, mais quand même. Et puis la religion est aussi utilisée comme un levier de mobilisation autour de certains mots d'ordre. Et puis il y a toute cette discussion sur l'identité algérienne, est-elle arabo-musulmane ou pas. Pour résumer, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de malentendu, en fait, chez les révolutionnaires qui, comme Fanon, ont vu dans ce mouvement national algérien un mouvement révolutionnaire, parce qu'ils ont certainement, du coup, sous-dimensionné la dimension religieuse, parce que c'était plus conforme à leurs interprétations. J'ai une anecdote assez précise, mais qui, pour moi, a été déterminante dans ma compréhension de tout ça. C'était un entretien une fois avec un avocat qui s'appelait Jean-Jacques de Félis, qui est aujourd'hui décédé, qui est un avocat pour qui avait la foi protestante et pour qui le protestantisme était un élément fondamental de ses engagements humanistes. Pour lui, il avait des engagements humanistes. Et Jean-Jacques de Félis s'est beaucoup investi dans la défense des Algériens en France. Il n'était pas en Algérie. Et d'autres révolutionnaires. Oui, bien d'autres mouvements. Mais dans un entretien, une fois, il était interrogé là-dessus, justement. Et il disait que pour lui, les gens qui avaient la foi avaient mieux compris que les autres le mouvement national algérien, parce qu'ils avaient compris comment on pouvait être à la fois pour l'émancipation, et y compris de façon radicale, mais avoir la foi aussi et en même temps. Et il avait l'air de dire que par rapport à des militants français, ou je dirais non algériens en tout cas, avoir la foi était un élément supplémentaire de compréhension réelle et authentique de ce qu'était le mouvement nationaliste algérien, des actions du FLN et des militants du FLN, plus que des révolutionnaires qui gommaient complètement et qui ne comprenaient pas cette dimension. La dimension religieuse était présente, mais en fait, je pense que pour bien comprendre, il faut se dire qu'au sein de la LN ou du FLN, il y a une multiplicité de partis pris et d'opinions et d'options, et sur le religieux comme sur le reste, il y a des gens pour qui c'est fondamental et pour qui l'affirmation d'une identité collective algérienne passe par le religieux, et puis il y a des gens pour qui ce n'est pas fondamental. Et si on se place d'un point de vue révolutionnaire, c'est sûr que pour faire rentrer la lutte de libération nationale algérienne, on est un peu obligé de mettre de côté cette dimension religieuse parce qu'on ne la comprend pas forcément très bien. Ou alors on voit la religion comme un instrument pour parvenir à ses fins qui sont la libération de l'Algérie et la Révolution. Et de plus en plus, je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu, en fait, parce qu'on a plaqué des schémas un peu préconçus où le révolutionnaire n'est pas croyant ou pour qui c'est pas central, alors qu'en fait, on a affaire à un mouvement au sein duquel, au contraire, il y a des gens pour qui c'est absolument fondamental. Mais donc, du coup, il doit y avoir une sorte de malentendu ou d'incompréhension, et ça ne m'étonne pas du tout que Fanon en fasse partie. Il n'est pas tout seul. Je pense que tous les révolutionnaires sont passés à côté de cette dimension. Jacques Charby, 18 février 1988. Écoutez, Fanon, il était méchant. Je le dis en souriant parce que il était brutal. Il était, dans un premier temps, quand on parlait avec lui, il était un homme qui pouvait faire peur. Il avait un regard perçant, il avait une grosse voix, il avait un grand front, et puis il avait le verbe tapageur. Mais il écoutait bien, et on pouvait, dans un deuxième temps, bien parler avec lui. Mais enfin, Fanon, c'était un homme qui était, comment dire, je ne peux pas trouver de meilleur mot que brutal dans l'échange, mais il était tellement riche. Et finalement, comme je vous ai dit, dans un deuxième temps, c'était un homme qui écoutait tout le monde. Je dirais même que dans son bouillon de culture des intellectuels, il n'était pas longtemps à l'aise. Et c'est vrai que si vous voyez les amis algériens qu'il a eus à Tunis, c'était des combattants, mais c'était pas des intellectuels. Et il était assoiffé de témoignages réels sur le pays. Assoiffé. Il se retrouve début 57 à Tunis et il devient tout de suite porte-parole du FLN. Et là, effectivement, il va tout de suite être tombé dans ce qui était quand même un panier de crabes, faut bien le dire. François Gèze. Qui était celui de l'armée des frontières à Tunis. Quand on parle d'armée des frontières, il faut savoir qu'en effet, c'était des militants nationalistes qui n'avaient pu rejoindre les maquis, parce qu'à l'époque, déjà, les maquis étaient très touchés par la répression, la violente répression, elle le sera plus encore en 57, de l'armée française. Donc s'engager devenait très, très difficile à l'intérieur du pays. Donc beaucoup se sont engagés, mais ils se sont retrouvés finalement derrière la ligne Maurice, en Tunisie. C'est ce qu'on a appelé l'armée des frontières, avec beaucoup d'hommes, avec des moyens. L'opposition était à l'époque entre les politiques et les militaires. Et donc au fameux congrès de la Soumam en août 56, donc Aban Ramdan, qui était le principal leader, on peut dire, de la LNFLN, un homme assez formidable, assez engagé, très dur souvent aussi parfois, avait obtenu du congrès le principe que le militaire doit être soumis aux politiques. Et ça, les militaires, évidemment, de la LN, de l'armée des frontières, ils l'acceptaient mal, du moins certains d'entre eux l'acceptaient mal. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qui vont gagner, puisque dès la fin 57, dès décembre 57, ceux qui sont au cœur de cette armée des frontières, et notamment le fameux Boussouf, qui était le responsable de l'embryon de police politique qui allait sévir dans l'Algérie indépendante, ça s'appelait le Malg à l'époque, et bien lui et puis deux autres, ils vont tendre un piège au Maroc à Aban Ramdan, et ils vont l'assassiner, en faisant passer son assassinat pour tomber au front devant les Français, etc. etc. Donc c'était d'une extrême violence. Et donc effectivement, beaucoup se sont posé la question de savoir comment se positionnait Fanon par rapport à cette réalité-là, ces tensions. L'année 57, on est en plein dedans. Hein. Et d'ailleurs, l'année 57 commence par, là aussi, ça, c'est une trace un peu étrange dans l'histoire de la vie de Fanon, par le fait que c'est en février ou mars, je crois, qu'intervient le massacre de Mélouza, qui est un village en Algérie qui est de 300 habitants qui sont égorgés, tués. Et la première chose qui est dite, c'est le FLN dit, c'est les Français, c'est l'armée française qui a fait ce massacre-là. Et Fanon, qui fait une conférence de presse à Tunis, c'est pratiquement une des premières actions qu'il fait en tant que porte-parole du FLN, délivre cette thèse. On a le témoignage, on a y compris le papier dans le Moudjahine, mais on a aussi des interviews qui sont reprises dans la presse française où il dit, voilà, c'est les Français qui ont égorgé les villageois de Mélouza. Ce qui était faux. On le saura plus tard. C'était les gens de la LN qui avaient massacré ces villageois parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des partisans de Messali Hadj, qui était l'adversaire du FLN. Donc c'était un truc absolument horrible. Et Fanon, sans doute, il savait pas, parce que personne ne savait trop. C'est au moment même où ça survient qu'il fait cette conférence de presse. Il vient d'arriver à Tunis, il n'est pas encore au fait des choses. Franz Fanon, l'an 5 de la révolution algérienne. Non, ce n'est pas vrai que la révolution soit allée aussi loin que le colonialisme. Mais nous ne légitimons pas pour autant les réactions immédiates de nos combattants, de nos compatriotes. Nous les comprenons, mais nous ne pouvons ni les excuser, ni les rejeter parce que nous voulons d'une Algérie démocratique et rénovée, parce que nous croyons qu'on ne peut pas s'élever, se libérer dans un secteur et s'enfoncer dans un autre. Nous condamnons le cœur plein de détresse, ces frères qui se sont jetés dans l'action révolutionnaire avec la brutalité physiologique que fait naître une oppression séculaire. Vous sentiez les dissensions parmi les différentes branches, les différents mouvements des groupes qui militaient, qui combattaient pour l'indépendance de l'Algérie, se cristalliser à Tunis dans ces années-là? Oui, il y a eu ce qu'on appelait déjà à l'époque les tenants du politique, la suprématie du politique sur le militaire, et les militaires qui voulait à tout prix que ce soit les militaires qui l'emportent. Alors que, si vous voulez, nous, ce qu'on, nous, même à Tunis, justement, et surtout à Tunis, il y avait Descartes, il y avait Abder, etc. On était, nous, on imaginait l'Algérie future. C'est-à-dire qu'on pensait à l'après-indépendance. Et Fanon aussi. Tandis que ce qu'on appelait, entre nous, soit dit, les gardiens de chèvres, pour parler de ce groupe militaro-militaire, etc., qui n'avait pas de réflexion politique, mettait des bâtons dans les roues. C'est comme ça que s'est fait l'assassinat d'Aban, qui est resté enterré dans la mémoire pendant 40 ans. Aban, qui, en sortant de Toul, a rejoint le Front Libération Nationale, qui s'appelait tout juste comme ça, et qui a été, on peut dire, le promoteur du congrès de la Soumam en 56, qui était la plateforme, si vous voulez, de départ du mouvement de libération, et qui a regroupé toutes les forces en Algérie, des gens du Parti communiste algérien, de toutes les tendances du MTLD, de différents groupes, même les oulémas, qui se sont ralliés à un moment donné. C'est un travail gigantesque, que tout le monde se regroupe sous le sigle du FLN, et qui avait une vision de l'Algérie future. C'est pour ça que certains Européens s'y retrouvaient. C'est que c'était une nation ouverte à tous ceux qui voulaient y être, quoi. Et c'était la primauté du politique sur le militaire. C'est-à-dire que, certes, il n'y avait pas d'autre moyen que de combattre, que de se révolter par les armes. Il fallait aussi privilégier le politique et construire une vraie plateforme pour l'Algérie indépendante. Et ça n'a pas plu du tout aux 3B, comme on les appelle, qui ont provoqué son assassinat. Il a été emmené au Maroc et assassiné. Il a été rayé des livres d'histoire au lendemain de l'indépendance, et il a fallu plus de 40 ans pour que son nom ressurgisse. De qui Frantz Fanon est-il proche au sein des forces de libération de l'Algérie, au sein de ce mouvement de libération nationale ? Alors, il a été très proche de Aban Ramdane, qui a été l'auteur de la première plateforme politique du FLN, qui était une plateforme plutôt séculariste, si on peut dire, et multiethnique. Et Fanon était très proche de lui. Donc évidemment, il apparaissait comme étant plutôt lié à une faction qui était en perte de pouvoir. Mais il a été quand même assez proche de Boumédienne, qui sans doute l'a protégé. Il a eu une relation assez tendue avec Krim Belkacem, qui était ministre des Affaires étrangères, donc dont il dépendait. Et on sait qu'à la fin de sa vie, il avait peur. Il ne savait pas si lui-même survivrait à ce processus révolutionnaire. Il a certainement eu conscience du fait que ce serait peut-être excessif de dire qu'il était minoritaire au sein du processus, mais qu'en tout cas sa position n'était pas aussi assurée qu'on a pu la présenter a posteriori lorsqu'on s'est servi de Fanon comme d'une espèce de drapeau. En Afrique, les pays qui accèdent à l'indépendance sont aussi instables que leur bourgeoisie neuve ou leur prince rénové après quelques pas hésitants dans l'arène internationale. Les bourgeoisies nationales, ne sentant plus la menace de la puissance coloniale traditionnelle, se découvrent soudain de grands appétits. Et comme elles n'ont pas encore la pratique politique, elles entendent mener cette affaire comme leur négoce. Prébande, menace, voire littéralement dépouillement de la victime. Tout cela est évidemment regrettable, car les petits États n'ont d'autres ressources que de supplier l'ancienne métropole de demeurer encore un peu. Également, dans ces pseudo-États impérialistes, une politique militariste à outrance entraîne la diminution des investissements publics dans des pays encore par endroits moyenâgeux. Les ouvriers mécontents subissent une répression aussi impitoyable que celle des périodes coloniales. Syndicats et partis politiques d'opposition sont confinés dans une quasi-clandestinité. Le peuple, qui avait tout donné aux heures difficiles de la lutte de libération nationale, s'interroge main et ventre vide sur le degré de réalité de sa victoire. Il sentait bien, il l'a dit d'ailleurs quand on lit les damnés, c'est en filigrane tout au long du livre. la mise en garde contre la prise du pouvoir par une bourgeoisie indépendante qui pourrait se reconstituer à partir du mouvement de libération nationale. C'est permanent. Parce qu'il savait que c'était la menace principale qui pesait, en effet, sur le mouvement de libération nationale. Et de fait, il a eu raison. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une confiscation par les militaires qui, au fil des décennies, va se traduire par la création d'une caste oligarchique corrompue, une véritable mafia qui va mettre l'Algérie dans une situation, la société algérienne, dramatique jusqu'à l'explosion de 2019 de ce mouvement populaire d'une ampleur absolument sidérante et inouïe, quoi. Donc Fanon avait senti ça. Il est le symbole de l'analyse de l'aliénation spécifique des colonisés et comment les colonisés vivent comme des violences, des choses telles que la médecine ou le recours à des techniques telles que la radio ou bien tout ce qui peut être fait autour du statut des femmes, comment tout cela qui représente des progrès techniques, voire des progrès sociaux, du progrès pour les femmes, comment en réalité c'est vécu comme une agression. Et donc les colonisés ne peuvent pas s'en servir, mais ils ne participent pas au débat sur les orientations du FLN, par exemple. Donc il a un rôle d'apporter une idéologie et une interprétation idéologique de l'aliénation spécifique des colonisés en général et en particulier des Algériens. Il a un rôle très important en tant que solidarité noire avec les Algériens, mais Fanon a plus un rôle très symbolique au sein du FLN qu'une influence réelle. La position de Fanon va évoluer. On a par des indices, alors ce ne sont que des indices, comme ça, des témoignages assez ténus qu'on peut recouper. Alors, pour voir que assez vite, il va prendre ses distances justement avec ses dérives militaristes, ses dérives de violence interne, terribles de paranoïa aussi complète, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui va l'amener du coup à être ambassadeur itinérant. Il va prendre ses distances, il va quitter Tunis. En 60, il ira au Mali, il ira au Ghana, il ira dans un certain nombre de pays pour porter le flambeau de la révolution algérienne, mais au-delà de la révolution africaine qui lui tenait à cœur, hein, qui était en fait ce qu'il avait en tête quand il a commencé à travailler, à écrire, à dicter. Ce qui deviendra les données de la Terre. Il est éloigné, mais en même temps, l'Afrique à l'époque, puisqu'il y a un nombre assez important maintenant de pays indépendants, l'Afrique est importante, puisqu'elle va jouer un rôle aux Nations Unies. Donc ce n'est pas non plus un rôle secondaire, et on sait par son passeport, par exemple, qu'il va plusieurs fois au Caire, où est basé le gouvernement provisoire. Donc c'est pas véritablement un poste destiné à l'éloigner, et on sait par ailleurs qu'il désirait beaucoup ce poste, donc c'est, pour lui c'était un poste important. Par ailleurs, lui-même avait son propre agenda, il voulait être publié en Afrique, il voulait influer sur les processus de révolution africaine, et il le faisait en électron libre par rapport au gouvernement provisoire de la République algérienne. On se méfiait d'ailleurs un petit peu de lui de ce point de vue-là. Et à Accra, donc cette micro-ambassade, ne l'empêchait pas quand même de publier des textes, qui sont des textes de propagande, mais qui sont des textes fort intéressants, en particulier un qui s'appelle « Les laquais de l'impérialisme », qui est une dénonciation très violente de la manière dont un certain nombre de pays nouvellement décolonisés en Afrique ne font rien d'autre que de recréer une sorte de néocolonialisme. Donc il joue quand même un rôle assez important, mais il est sûr qu'il n'est pas au centre des processus de décision. Ici, la voix de la République algérienne. Charles Géronimi, 18 février 1988. Il a continué à avoir une activité psychiatrique jusqu'à ce qu'il soit nommé ambassadeur à Accra. Il n'a donc jamais cessé. Ça s'est ralenti, bien évidemment. Mais je me souviens toujours, même quand il écrivait l'enseigne de la Révolution algérienne, même quand il allait en mission, quand il revenait, il avait toujours des revues psychiatriques à lire, à commenter, parce qu'il ne pouvait jamais ne pas partager ses lectures. Enfin, non, c'est un homme extrêmement généreux, donc dès qu'il disait quelque chose, il en faisait part avec beaucoup de tenue. Et je n'ai jamais vu Fanon s'arrêter de faire de la psychiatrie. Ensuite, je suis parti, et lui était à Accra, et je ne l'ai plus jamais revu. À la fin des années 50, les empires coloniaux s'effondrent. Les indépendances africaines se multiplient. Après le Soudan, la Tunisie et le Maroc, c'est au tour du Ghana et bientôt de la Guinée de Sékou Touré. En avril 1958, Frantz Fanon représente l'Algérie en guerre à la conférence des États africains indépendants qui se déroule à Accra. Midi, actualité. À Accra, quatrième et sans doute dernière journée de la conférence des peuples africains. La journée d'hier a été marquée par une intervention en français du délégué FLN que n'ont pas comprise les auditeurs de langues anglaises et des interventions en anglais des délégués du Zanzibar et du Kenya que n'ont pas compris les auditeurs de langue française. Car on a pensé à tout à Accra, sauf à faire venir un interprète. Quand rencontrez-vous pour la première fois Frantz Fanon, Hélène Moctefi? La première fois, c'était à Accra, au Ghana, sur le campus de l'université d'Accra. Et j'allais vers une salle de conférence, et il y avait une conférence internationale que j'avais organisée. C'était une conférence d'une organisation mondiale de la jeunesse. Et il m'a arrêté, il était avec trois autres hommes. Il m'a arrêté pour me demander où se passait le congrès de cette association de jeunesse. Je lui ai dit que j'y allais et que je pouvais le conduire. Alors je l'ai amené, lui et les trois autres personnes, qui c'était assez incongru, car ils étaient habillés pour le nord de l'Europe et pas pour les tropiques du Ghana. Ils étaient en costume de laine avec des chemises et cravates, tandis que Frantz Fanon était en pantalon de coton et il avait une chemise à manches courtes, était très décontracté et il était vraiment pour le climat. Alors, on s'est parlé jusqu'à la salle de conférence. Et à ce moment-là, j'ai serré les mains à tous les quatre. Ils ne se sont pas présentés. Ils sont entrés dans la salle, ils ont assisté à la séance. Et le lendemain, il y avait les trois hommes qui accompagnaient Fanon, étaient partis. Et il est venu tous les jours à la conférence. À l'époque, les conférences duraient, celui-là durait presque trois semaines. Aujourd'hui, on a de la chance si une conférence dépasse la journée. Alors, je l'ai vu tous les jours. Il était à l'époque le représentant de GPRA, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il était le représentant en Afrique. Et il avait son siège à Accra. Il avait un bureau là, c'était son ambassade, c'était vraiment juste un petit appartement. Le Ghana était le premier pays qui a retrouvé son indépendance, un pays qui à l'époque avait comme président Kwame Nkrumah. Et il venait tous les jours, comme je dis, avec le délégué algérien qui était Mohamed Sanoun, qui était le délégué de l'UGMA, l'Organisation des étudiants algériens. Tous les trois, on a formé une sorte d'équipe. On faisait un peu de politique, c'est-à-dire qu'on appuyait les résolutions, on écrivait des résolutions, on essayait de faire en sorte que le Congrès adopte les meilleures résolutions concernant l'indépendance des pays de l'Afrique. Et d'ailleurs, on faisait passer des résolutions sur la Palestine, sur l'Amérique latine, etc. C'était trois semaines chargées pour nous. Indépendance, Nadelvoy, table ronde, Malopé, indépendance, Moudingaï, table ronde, Naïlunga, indépendance, Elikinda. sais que je l'ai rencontré quand même tout de suite. L'importance de ce bonhomme m'a frappée. On avait l'impression qu'il était tout le temps en évolution. On avait l'impression qu'il se poussait au-delà de ses possibilités et qu'il était très poussé. Et quand on l'a connu, on a vu qu'il était capable de se décompresser, s'amuser, rire. Un soir, avec lui, je suis allée danser dans un club à Accra. C'était quelqu'un qui savait aussi s'amuser. Et je sais que quand il était à Tunis, lui et sa femme étaient très amis avec Marie-Jeanne Manuelan et Gilbert Manuelan, et qui travaillaient aussi en Tunisie pour le GPRA. Et il pouvait être drôle, il aimait danser, il aimait chanter. C'était un homme plein d'esprit et de vie. C'était un petit bonhomme assez osseux et assez maigre. C'était un homme mordu. C'était un homme qui avait la politique dans le sang. Il ne s'arrêtait jamais. Il pouvait parler éternellement. Mais il avait un sens de l'humour. Il se moquait de lui-même. Pourtant, on le décrit souvent comme quelqu'un d'un peu cassant, ah oui, d'un peu hautain. Quand il donnait son amitié, c'était entier. Mais il donnait difficilement. Il était très méfiant. Il ne faut pas oublier que ce n'était pas en premier lieu un homme politique, c'était d'abord un psychiatre. Alors la psychologie chez lui, c'était très fort. Il regardait quelqu'un, il décidait tout de suite, oui ou non. Ça, on peut se parler, on peut devenir plus intime, on peut devenir ami. Il décidait tout de suite. Et s'il décidait contre, c'était contre. Et vous savez pourquoi il a décidé de devenir ami avec vous, Hélène Moctefi? D'abord, il me l'a dit après, qu'il avait pensé que j'étais française. Parce que je lui ai répondu en français quand il m'a adressé la parole la première fois. Et quand il a découvert que je ne l'étais pas, il s'est ouvert. Et je ne sais pas ce qu'il m'a trouvé, mais on était devenus très amis. On discutait pendant des heures. Le congrès... Je l'avais organisé, mais j'avais pas grand chose à faire une fois que c'était fait. Donc, j'étais très libre. Et nous circulons dans les différentes réunions des comités, etc. On écoutait, ensuite on commentait. C'était très riche comme expérience. Parce que moi, je ne connaissais pas de près tous ces problèmes. Tandis que lui, surtout l'Afrique, il avait l'information au bout de le doigt. J'écoutais plus que je ne parlais, et c'est lui qui parlait. C'était un intellectuel qui savait parler aux gens. Il était clair, très clair. Et au-delà de cette cause pour l'indépendance de l'Afrique, et en plus de l'Algérie, que l'homme soit libre, que l'homme soit capable de se réaliser, toutes ces choses-là, c'était, on le sentait en lui. Et c'était un idéaliste extraordinaire. Mettre l'Afrique en branle. Collaborer à son organisation, à son regroupement derrière des principes révolutionnaires. Participer au mouvement ordonné d'un continent. C'était cela, en définitive, le travail que j'avais choisi. Dans ses dernières années de vie, puisque Frantz Fanon meurt en 1961, c'est seulement à ce moment-là que, d'une certaine façon, il va tourner son regard vers l'Afrique et vers les Noirs d'Afrique. Avant, il en parle relativement peu. C'est-à-dire qu'en fait, Fanon ne s'intéresse pas à l'Afrique. J'allais dire que c'est absolument normal qu'il ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il est Martiniquais. Romuald Foncoua. Que les Martiniquais s'intéressent à l'Afrique. J'allais dire que les Martiniquais de sa génération s'intéressent à l'Afrique, c'était déjà un exploit. Le premier à s'y être intéressé, c'est Césaire. On sait très bien ce que ça lui a coûté. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Quand il quitte le Parti communiste en 57 et que, en gros, ses congénères ou ses adversaires s'opposent à lui, ils lui disent en fait que, ils lui reprochent en fait de nous ramener à la barbarie, à la sauvagerie, à l'Afrique. Parce qu'au fond, l'Afrique, pour un certain nombre d'Antillais de l'époque, c'est cela. C'est l'image qui a été fabriquée, si vous voulez, par la colonisation et par l'esclavage, durant longtemps, et l'image dans laquelle un certain nombre d'Antillais ont grandi. C'est pas du tout leur faute, si je veux dire. C'est tout simplement la conséquence de cette éducation. Et qu'un poète martiniquais, Césaire, leur dise, mais attendez, il y a un petit problème dans cette société. Vous pensez que vous êtes français, mais vous n'êtes pas français du tout. Vous pensez que vous êtes européen, mais vous ne l'êtes pas. Il y a quelque chose qui manque à votre identité, c'est l'Afrique. Et si vous voulez comprendre ce que vous êtes, retournez en Afrique. Le retour en Afrique, pour un certain nombre d'Antillais, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est le retour à une histoire qu'ils ne veulent pas regarder. Parce qu'ils la connaissent pas, entre autres. Mais c'est aussi le retour vers un territoire qui, qu'on le veuille ou non, dans le discours qui est le discours ambiant, est un territoire qui est un territoire de la négation, de la négativité. Et en plus, il faudrait y rajouter que c'est un territoire qui, en fait, est celui de la culpabilité. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'Africains ont quand même vendu, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, les Antillais, hein, durant l'esclavage. Je ne suis pas certain que, pendant très longtemps, plusieurs Antillais aient voulu regarder l'Afrique de ce point de vue-là. Il y a un rapport qui est un rapport très ambigu, en fait, à l'Afrique, chez un certain nombre d'intellectuels antillais, ce qui a conduit, on le sait très bien, dans les années 60, à cette vague de retour des Antillais en Afrique. Il y en a eu beaucoup d'intellectuels qui sont retournés en Afrique et qui sont tout de suite revenus en Europe, quelques temps après, parce qu'en fait, ce qu'ils allaient y rechercher, à savoir une sorte de réconciliation avec eux-mêmes, n'a pas eu lieu. Voilà, on le sait très bien. Et je crois que grandi dans ce milieu-là, je comprends très bien que Fanon, au départ, ne se soit pas intéressé à l'Afrique en tant que tel. Pourquoi ? Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est pas l'Africain en tant que tel, c'est le nègre. Et que le nègre soit martiniquais, guadeloupéen ou africain, ce qui l'intéresse, c'est l'être à la peau noire. Et ces êtres à la peau noire ont à peu près exactement le même rapport à l'aliénation dû précisément à l'histoire qu'ils partagent tous. Et je pense que c'est ça qui fait que l'Afrique, pour lui, n'est pas un vrai sujet, en fait. L'Africain, en tant que tel, de façon spécifique, c'est rien. Ce qui est important pour lui, c'est l'Africain qui est arrivé en Occident, donc qui devient nègre, et comment ce nègre vit, justement, dans le monde occidental, l'aliénation qui est justement la sienne. C'est ça qui l'intéresse. Alors, il est retourné en Afrique sur la fin, pour des raisons qui sont des raisons strictement politiques. On dit retourné, il est allé en Afrique. Moi, je dirais retourné du point de vue intellectuel. Puisque je disais tout à l'heure, il n'est pas allé, il retourne, oui. Mais c'est pas, voilà, j'ai dit que c'est un peu comme un entier qui dit, ah tiens, il faudrait bien un jour que j'aille quand même en Afrique, hein, c'est quand même mon territoire de, entre guillemets, d'origine. Mais ce qui l'intéressait, je crois, c'était pas ça. Ce qui l'intéressait, c'était l'action. Et l'action, pour lui, ne se passait pas en Afrique noire. L'action, pour lui, se passait en Algérie. Est-ce qu'il n'y va pas d'ailleurs en Afrique subsaharienne, plutôt en tant qu'Algérien qu'en tant que Français ? Oui, c'est-à-dire qu'au fond, il y va en tant qu'Algérien. Donc en tant qu'Africain ? En tant qu'Africain, oui. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir un ticket français. Ça ne marchait pas. Donc ce ticket ne lui permettait pas simplement techniquement de se présenter comme étant un représentant du gouvernement algérien, mais cela lui permettait également, quelque part, je ne sais pas jusqu'où, de façon intime, il y a eu chez lui une sorte de satisfaction de se présenter quelque part comme un Africain. C'est-à-dire comme un Africain venu d'Algérie et qui, en fait, n'est-ce pas, parlait à ses autres frères de l'Afrique subsaharienne exactement la même chose. C'était quoi ? C'était la révolution. C'était en fait la révolte des derniers de la terre. C'était la révolte des sous-hommes et des sans-grades. C'est quand même ça, en fait, qui l'intéressait le plus. Et ces sous-hommes et ces sans-grades, s'ils avaient la couleur noire dans l'Afrique subsaharienne, avaient une autre couleur dès lors qu'il s'agissait de monter en Algérie ou bien en Tunisie. Je crois que quelque part, il avait le sentiment de participer à un mouvement qui était un mouvement internationaliste et qui était un mouvement qui, en fait, dépassait la question de la couleur stricto sensu. Oui, c'est un Africain, quelque part, Fanon. À ce moment-là, oui, c'est un Africain. Mais un Africain qui restera toujours, de mon point de vue, marqué par ce que je pourrais appeler l'histoire, qui est l'histoire de la Martinique et des rapports que les Martiniquais ont entretenus avec l'Afrique noire. C'est une histoire qui est très compliquée, mais vraiment très, très compliquée. Les dernières choses qu'il a faites avant d'aller mourir aux États-Unis, c'était cette idée-là. Daniel Maximin. C'est-à-dire aller au Sahara, hein, il y a un récit d'une mission, pour essayer de voir comment on peut avoir des endroits où on peut passer, avec quel pays qui serait favorable, vous voyez, Mauritanie, Mali, etc., de façon à aider la libération de l'Algérie, qui était toute seule à ce moment-là. Donc ça va loin. Et comme acteur, comme militant et militaire, mais aussi sur le plan idéologique, lorsqu'il a été voir Nkrumah au Ghana, à Accra, dans une réunion pour essayer d'arriver à faire l'unité de l'Afrique. Et cette unité de l'Afrique, c'est l'Afrique blanche, arabe, musulmane, et l'Afrique noire de l'autre côté, avec la coupure stratégique qu'on fait souvent entre l'Afrique au sud du Sahara et le Maghreb. Et l'idée, c'était de rassembler ces deux grandes forces de l'Afrique ensemble, avec l'Égypte, avec des pays comme ça, de façon à poursuivre la libération jusqu'à l'Afrique du Sud. Et c'est ça, et Fanon c'est ça, et non pas uniquement quelqu'un dont l'intérêt c'était la libération de l'Algérie de l'oppression coloniale française. Partons. Notre mission, ouvrir le front sud. De Bamako, acheminer armes et munitions, soulever la population saharienne, s'infiltrer jusqu'au haut plateau algérien après avoir porté l'Algérie aux quatre coins d'Afrique. Remonter avec toute l'Afrique vers l'Algérie africaine. Vers le nord, vers Alger, ville continentale. Ce que je voudrais, de grandes lignes, de grands canaux de navigation à travers le désert, abrutir le désert, le nier, rassembler l'Afrique, créer le continent. Que du Mali s'engouffre sur notre territoire, des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, des Ghanéens, et ceux du Nigeria, du Togo. Que tous grimpent les pentes du désert, et déferle sur le bastion colonialiste. Prendre l'absurde et l'impossible à rebrousse-poil et lancer un continent à l'assaut des derniers remparts de la puissance coloniale. Mais je crois que là, il boucle un parcours, en fait. Frédéric Sirier. Il a quand même une visée africaine, hein, qui est avérée. On voit bien ses textes dans El Moudjahid, il vante la réception des délégations algériennes en Afrique subsaharienne. Alors, il y a peut-être une part d'idéalisation, certes, mais en fait, effectivement, il rencontre un public, il rencontre la jeunesse, il est reçu, il rencontre des leaders politiques que lui considère être un peu ses frères. Mais là, à sa manière, il va unifier sa géographie africaine en remontant le Sahara, alors pour un projet un peu délirant quand même, hein, parce que lui veut faire venir des soldats et prendre les forces françaises à revers, il est un peu délirant. Délirant au sens où il y a une très très belle part d'idéalisme. Ce qui est intéressant, c'est que les frontières commencent à éclater. C'est une possibilité de réunifier tout un continent. Je vais essayer de vous trouver un petit passage, il le dit très clairement. C'est tellement riche. Voilà. Alors, dans l'unité africaine, hein, les derniers de la Terre, 1960, abrutir le désert, le nier, rassembler l'Afrique, créer le continent, prendre l'absurde et l'impossible à rebrousse-poil et lancer un continent à l'assaut des derniers remparts de la puissance coloniale. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de réunification. C'est finalement, d'une certaine manière, l'apogée de ses espoirs, hein, qu'une Afrique soit possible et réunie. D'ailleurs, Les Derniers de la Terre, il le dit, c'est un livre pour l'Afrique. C'est pas un livre pour le monde entier comme il va le devenir. Bah alors par exemple, mais surtout c'est pas voilà, c'est il a un objet, c'est l'essor, c'est la libération et l'essor du continent africain. De Bamako, nous atteignons Ségou, plein d'essence et nous atteignons Sang, puis Mopti. À Mopti, une anicroche à la sortie de la ville, un barrage de gendarmerie et les sentinelles exigent nos passeports. Discussion pénible. Car malgré le papier du ministre de l'Intérieur, les gendarmes veulent connaître nos identités. Il est vrai que Fanon se rend en Afrique subsaharienne à la fin de sa vie, dans des pays particulièrement importants, je pense au Ghana, le Ghana de Nkrumah, qui est à l'avant-garde du panafricanisme. Papa Ndiaye. Mais il me semble que la perspective qui est développée par Fanon à ce moment-là est d'abord une perspective anticoloniale, et les formes politiques et les formes d'union que cette lutte peut prendre, y compris d'ailleurs en remettant en cause, ce en quoi il n'avait pas tort certainement, en remettant en cause les frontières héritées de la colonisation, ce qui était également une des grandes préoccupations de Nkrumah à cette époque. Mais on ne trouve pas chez Fanon de réflexion globale sur la diaspora africaine en lien avec les mondes noirs de la Caraïbe ou des États-Unis qu'on peut trouver chez d'autres penseurs à la même époque, que ce soit du côté de la négritude ou que ce soit du côté des États-Unis. En cela, le voyage de Fanon en Afrique, c'est un voyage politique qui se situe quand même dans le cadre fondamental de la remise en cause de la colonisation et des rapports de puissance entre le Nord et le Sud. Nous voilà partis sur près de 1000 km de piste. Cette partie du Sahara n'est point monotone. Même le ciel là-haut change constamment. Il y a quelques jours, nous avons assisté à un coucher de soleil qui faisait violette la robe du ciel. Aujourd'hui, c'est un rouge très dur qui limite le regard. Aguelhok, Tessalit, Bourassa. À Tessalit, nous traversons le camp militaire français. Un militaire français, buste nu, nous fait des signes amicaux. Ses bras lui tomberaient s'il pouvait deviner qui se dissimule sous ses tenues de goumier. On sait qu'il a croisé des leaders de mouvements nationalistes. Alors j'ai oublié certains détails, mais le peu qu'on sait, on l'a écrit dans ce livre des inédits, n'est-ce pas ? François Gèze. On est à une époque, donc en 60, qui est celle donc à la fois d'un côté des indépendances officielles accordées par la France à la majorité des colonies de l'Afrique subsaharienne, qui est aussi celle qui voit les prémices de ce qui va devenir la tricontinentale. C'est-à-dire que des mouvements de libération anticolonialiste, il y en a également en Asie, et des mouvements anti-impérialistes, on peut dire, il y en a également en Amérique latine à l'époque, à la fin des années 50. Et de cette conjonction dans laquelle des acteurs comme Ben Barka, comme Ben Bella vont jouer un rôle très important, va naître ce qu'on appelait la tricontinentale, qui, dont finalement l'existence sera malheureusement brève, mais qui va se réunir en janvier 66 à La Havane. Et je pense que les discours de Fanon, les écrits de Fanon, ont contribué à irriguer justement un certain nombre de ces leaders nationalistes. Et ils ont joué un rôle, on les retrouve d'une certaine façon, ces visions fanoniennes, dans les engagements et les écrits de Ben Barka, qui va être donc enlevé et assassiné à l'automne 65. On les retrouvera aussi dans les discours que tiennent les délégués de la conférence tricontinentale dont je parlais à La Havane en janvier 66. Et d'une certaine façon, même si Fanon n'est pas expressément, explicitement cité le plus souvent, peut-être il l'a une ou deux fois, mais pas plus, ses idées sont là. Et notamment, je pense au discours de Cabral à La Havane, j'avoue que les relire aujourd'hui, ça vaut le coup parce que c'est d'une puissance incroyable. Après, Cabral lui-même va être assassiné par ses pairs. Il va connaître une fin tragique, n'est-ce pas ? Néanmoins, on peut penser que ce que certains appelleront plus tard panafricanisme, n'est-ce pas ? Que la fraction la plus engagée, la plus radicale, c'est pas le mot, vraiment la plus engagée, la plus qui n'a jamais succombé, on peut dire, aux avances des anciennes métropoles. Parce qu'il faut bien voir que la France, quand même, elle a fait des fausses indépendances. Elle a mis en place des régimes soi-disant indépendants qui étaient des régimes à sabote. On a parlé après de France-Afrique, c'était très justifié, n'est-ce pas ? Eh bien, il y avait quand même des fractions nationalistes qui refusaient absolument ce type de compromission et qui étaient habitées de la pensée fanonienne. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Dans son aspect décadent, la bourgeoisie nationale sera considérablement aidée par les bourgeoisies occidentales qui se présentent en touristes amoureux d'exotisme, de chasse, de casino. La bourgeoisie nationale organise des centres de repos et de délassement, des cures de plaisir à l'intention de la bourgeoisie occidentale. Cette activité prendra le nom de tourisme et sera assimilée pour la circonstance à une industrie nationale. Si l'on veut une preuve de cette éventuelle transformation des éléments de la bourgeoisie ex-colonisée en organisateurs de partis pour la bourgeoisie occidentale, il vaut la peine d'évoquer ce qui s'est passé en Amérique latine. Les casinos de La Havane, de Mexico, les plages de Rio, les petites brésiliennes, les petites mexicaines, les métisses de 13 ans, Acapulco, Copacabana sont les stigmates de cette dépravation de la bourgeoisie nationale. Parce qu'elle n'a pas d'idée, parce qu'elle est fermée sur elle-même, coupée du peuple, minée par son incapacité congénitale à penser l'ensemble des problèmes en fonction de la totalité de la nation. La bourgeoisie nationale va assumer le rôle de gérant des entreprises de l'Occident et pratiquement organisera son pays en lupanar de l'Europe. question de l'humanité que nous avons perdu de vue. C'est la politique de l'humanité. Achille Mbembe. Pas la politique de soi, pas la politique de l'identité, mais la politique de l'humanité. Politique de l'universel, de l'universalité. Cette dimension radicale de Fanon trouve des échos dans quelqu'un comme Lumumba. Elle énerve, ou en tout cas irrite, un certain nombre de leaders africains qui, fin des années 50, surtout début 60, sont au pouvoir. Elle représente tout à fait une critique de ce que Fanon commence à observer, critique qui se radicalisera notamment dans Les damnés de la Terre, ce fameux chapitre où il descend en flammes les nouvelles élites issues de la décolonisation, les pratiques de pouvoir, pratiques totalement prédatrices, la xénophobie d'État, le tribalisme, et ainsi de suite. Et donc, d'un côté, Fanon dérange, et de l'autre, bon, il ouvre ses perspectives auxquelles des gens comme Lumumba sont tout à fait sensibles. Magali Besson. Alors, il me semble que chez Fanon, en tout cas dans Peau noire, masque blanc, donc avant Les damnés de la Terre, il y a très nettement la réflexion et la référence à un universel postcolonial. C'est-à-dire l'idéal de Fanon, c'est que cessent les oppositions stériles, tranchées entre des cultures qui se regardent comme des blocs homogènes en face à face, entre des humains qui n'auraient rien à se dire et qui ne se reconnaîtraient pas comme des humains, pour pouvoir produire ensemble l'humain. Un humain dans lequel il n'y aurait ni pas d'essentialisme, c'est-à-dire un humain dans lequel on ne ramènerait pas l'autre à des caractéristiques ou des traits identitaires qui le définiraient une bonne fois pour toutes, mais un humain à qui on serait laissé la possibilité de devenir ce qu'il a envie d'être. Et ça, c'est une réflexion universaliste, en fait un peu optimiste, qu'on trouve comme ligne de fuite dès les premiers écrits de Fanon. Dans Les damnés de la Terre, la question n'est pas celle-là. La question dans Les damnés de la Terre est beaucoup plus immédiatement politique. On n'est pas dans le post-colonial, on est dans le décolonial. Et je pense que c'est pas un hasard si, avec la traduction de 1986 de Peau noire, masque blanc aux États-Unis, cette traduction comprenait une préface de Homi Bhabha, qui est un des grands penseurs du post-colonialisme aux États-Unis. Et je pense que c'est pas un hasard si c'est donc Peau noire, masque blanc qui a été l'un des livres importants du post-colonialisme ou de la mouvance post-coloniale. Les damnés de la Terre, à mon avis, n'est pas un livre post-colonial, c'est vraiment un livre décolonial dans lequel Fanon constate, décrit une situation, analyse un certain nombre de risques, et notamment la prise du pouvoir par une bourgeoisie africaine qui ne ferait que inverser radicalement, mais en les reproduisant, les effets d'asservissement qui avaient été ceux des colons. D'accord ? Et là, il n'y a pas d'universel, il n'y a pas de création d'un homme nouveau. Et ça, Fanon le voit, le perçoit et propose des manières de s'en prémunir. Donc c'est un livre sur la décolonisation, sur la guerre de décolonisation, sur les pathologies qu'ont entraîné la colonisation et la décolonisation. C'est un livre beaucoup plus pessimiste en réalité, Les damnés de la Terre. Vous l'avez vu tomber malade, Frantz Fanon? Oui. J'ai un souvenir très vif de Fanon ayant appris les résultats alors qu'il était de passage à Tunis. Hein. Alice Cherki. Il a pris ça d'abord comme un coup de massue, mais avec une certaine dérision. Il s'est secrètement, parce qu'il ne l'a pas dit à tout le monde, confié auprès des intimes sur qu'est-ce qu'allait devenir sa femme et son fils. Olivier avait 5 ans, mais ça, on ne le disait pas aux militants algériens, etc. Il le disait dans le privé. Il se faisait beaucoup de soucis pour eux. Il avait accepté d'aller à Moscou, soi-disant Union soviétique, il en était revenu très amer. Pour être soigné ? Oui, oui. Il a été à un moment donné envoyé en Union soviétique, où on l'a interdit d'aller voir les hôpitaux psychiatriques, et pour cause. Et après, il y a eu toute cette période où il était grabataire. Hein. Moi, il y a des jours où on allait le voir, il était dans son lit, et transpirait énormément, il était... mais il tenait, voilà. Tenait, il a tenu jusqu'au bout. Il luttait contre le temps et contre la mort. Enfin, je veux dire que. Et il voulait absolument, absolument finir d'écrire Les Damnés de la Terre. C'était son truc ultime. C'est un drôle de bonhomme. Hein. Il était très pressé. Joseph Fanon l'a dit. Il a dicté jusqu'aux dernières minutes, avant qu'il aille se faire soigner en Union soviétique, il a dicté les derniers chapitres des Damnés de la Terre. Jacques Charby. Quand il est parti se faire soigner à Washington, je l'ai accompagné à l'aéroport de Tunis. Et là, il m'a dit une chose terrifiante. Il m'a dit, j'ai peur là-bas des transfusions sanguines, ils vont me blanchir. Un certain sourire, mais il n'y avait pas que le sourire. Oui, il était pressé, il savait qu'il allait mourir. Il était médecin, vous savez, alors il connaissait les résultats des examens qu'on avait fait avec le docteur Chollet à Tunis, à l'hôpital Charles-Nicolle, et il avait donc le cancer du sang, qu'on appelle la leucémie. Mais enfin, vous savez, on a beau savoir qu'on va mourir, il y a toujours l'espoir de ne pas mourir, puisqu'il est allé en Union soviétique. Ensuite, à Washington, on lui a dit qu'on essayait des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements. Il avait l'espoir de vivre, il voulait vivre. Mais en même temps, il a pris toutes ses dispositions. Par exemple, j'étais présent lorsqu'il a insisté pour dire que s'il mourait, il voulait être enterré en terre algérienne. Quand il est rentré d'Accra à Tunis, qui était la capitale pour le gouvernement provisoire algérien, il savait déjà qu'il avait le leucémie. Hélène Moctefi. Et puis, pendant un certain temps, ça pouvait aller. Et puis, la maladie est revenue. Et il était envoyé par le GPRA aux États-Unis, aux hôpitaux d'État, qui sont dans la banlieue de Washington. Et il est arrivé... On nous a prévenu au bureau algérien de New York, où j'ai travaillé. Et j'étais la seule qui connaissait Fanon. Les autres ne l'avaient jamais vu, ne connaissaient pas. Donc, on m'a envoyé à Washington pour voir s'il était bien installé à l'hôpital, s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais il était évident qu'il était déjà condamné. C'est-à-dire qu'il regardait chacun qui entrait, qui venait le voir, et il savait, par le regard ou le corps, s'il croyait ou non qu'il allait s'en sortir. C'était assez fort. Et il me regardait, il savait bien que je ne croyais pas qu'il allait survivre. Et lui, il y croyait? Non. Oh non. Il espérait, mais il ne croyait pas. Il m'a dit un jour, quand j'étais dans la pièce seule, il s'est soulevé à moitié de son lit et il m'a dit « c'est pas mauvaise chose de mourir pour son pays ». Pourquoi est-il mort aux États-Unis? Ça paraît curieux. Il y a beaucoup de versions comme ça, parce que chacun a mis son grain de sel, hein, celui qui était de la CIA, etc. En gros, en dernier ressort, c'est Mohamed Yazid, qui était très connu aux États-Unis, c'est lui qui avait représenté l'Algérie à l'ONU, qui avait fait tout pour que ça devienne quelque chose d'international, et qui avait pensé que c'était une bonne chose qu'il puisse être au moins soigné aux États-Unis, parce que peut-être qu'il y avait... des possibilités de survie. Voilà. C'est vrai que là-bas, ils faisaient des transfusions de sang totales et des trucs comme ça. Et il y a eu récemment, quelqu'un qui a témoigné pour dire qu'il avait fait l'intermédiaire et qu'en fait, effectivement, il avait à un moment donné fait partie des services secrets américains, mais que c'est pas du tout pour ça qu'il a aidé Fanon. Fanon est arrivé aux États-Unis, un peu à son corps défendant d'ailleurs, pour subir un traitement, sur le conseil des médecins soviétiques qu'il avait traités lorsque le FLN l'avait envoyé à Moscou. où il a subi un traitement qui lui a sans doute donné, avec beaucoup de transfusions, etc., qui lui a sans doute donné quelques mois de vie en plus. Mais les Soviétiques pensaient que la seule chance qu'il aurait, ce serait d'être traité aux États-Unis. Donc on l'a envoyé là-bas. Donc il est assez peu probable que Fanon ait travaillé pour la CIA, en tout cas pas aux yeux des Soviétiques qui devaient s'y connaître. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, évidemment, envoyé du gouvernement algérien, les Américains s'intéressaient beaucoup à l'Algérie, espéraient pouvoir développer des liens avec ce pays qui allait être bientôt indépendant, voulaient aussi sans doute contrer les Russes. Donc, dans une certaine mesure, on s'est occupé de lui et évidemment, il a été pris en charge plus ou moins par un policier américain, donc un officier du FBI. Mais ce serait absurde de dire qu'à ce moment-là, Fanon, qui était mourant, terriblement malade, etc., collaborait avec le FBI. Je me souviens qu'il voulait monter au maquis. Il voulait aller combattre. Oui, oui. Tant qu'à mourir... Il avait quand même été, à 18 ou 19 ans, un très grand combattant dans le bataillon 5 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Il avait la croix de guerre, la croix de fer, enfin je ne sais pas trop quoi. Il était décoré. Il était très décoré, en plus par Salon. On en riait, et lui-même en riait, mais ça avait eu lieu. Et il voulait vraiment, bon, Pierre Chollet, il s'aimait beaucoup. Hein. Il lui dit mais non, enfin bon. Personne n'a accepté qu'il monte au maquis si, 3 mois ou 4 mois avant sa mort. Hein. Il voulait que sa mort serve à quelque chose. Ah oui, oui, oui, oui. Chez Fanon, il y avait justement, et c'est ça qui fait la modernité de cet homme, un lien entre le corps, la pensée et l'action. C'était pas clivé chez lui. Pourquoi c'est moderne tout ça? Parce que c'est intemporel. Ça subsiste à tous les avatars. Dans quelque chose qui peut donner du sens à ce que c'est qu'un humain ou un sujet, comme je dis dans mon langage, c'est ce qui peut faire tenir, enfin, quelque chose qui montre la finalité de l'humain. On ne rencontre pas toujours ça. Quelqu'un, c'est qui ? Il n'y a pas de clivage entre cette cohérence. Très souvent, vous rencontrez des gens assez clivés quand même. Oui, c'est même assez rare que ces trois dimensions soient... Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Épanouies au même endroit, dans la même personne, c'est vrai. Minute par minute, Fanon avait vécu sa mort et l'avait sauvagement refusée. Son agressivité ombrageuse s'était libérée dans ses délires de moribond. Il détestait les Américains, ces racistes, et se méfiait de tout le personnel de l'hôpital. En s'éveillant le dernier matin, il avait dit à sa femme, trahissant ses obsessions, « Cette nuit, ils m'ont mis dans la machine à laver. » Son fils était entré dans sa chambre un jour où on lui faisait une transfusion. Des tuyaux le rattachaient à des ballons en plastique, remplis les uns de globules rouges, d'autres de globules blancs et de plaquettes. L'enfant sortit en hurlant. « Les brigands, ils ont coupé mon père en morceaux !» Dans les rues de Washington, il agitait d'un air provoquant le drapeau vert et blanc. Les Algériens envoyèrent un avion spécial pour ramener le corps de Fanon à Tunis. On l'enterra en Algérie, dans un cimetière de l'ALN. Pour la première fois et en pleine guerre, les Algériens firent à l'un des leurs des funérailles nationales. Pendant une ou deux semaines, dans les rues de Paris, je rencontrais partout la photo de Fanon. Dans les kiosques, sur les couvertures de Jeune Afrique, à la devanture de la librairie Maspero, plus jeune, plus calme que je ne l'avais vu, et très beau. Sa mort pesait lourd, parce qu'il l'avait chargé de toute l'intensité de sa vie. Simone de Beauvoir, La force des choses. J'ai appris qu'après sa mort en Amérique, on a ramené son corps à El Aouina, à l'aéroport. J'y suis allé et j'ai appris après que j'étais un des rares Français à y être allé. Je crois que j'étais à peu près le seul. Jean Duvigneau. Et il était là. Bon, il a été reçu par ses amis algériens qui l'ont emporté. J'ai gardé une très belle photo où il était enterré en terre algérienne, une photo dans laquelle on représente ses moudjahides en train de porter en terre algérienne, où il désire être enterré, bien qu'il ne fût pas algérien. Et justement, l'Algérie représentait autre chose pour lui qu'une simple terre. C'était un peu comme Genève ou la Palestine, c'est-à-dire comme un lieu de recherche auquel on s'attache d'autant plus qu'elle implique un changement, une révolte, etc. Vous avez vu la photo, non? De l'enterrement? Oui. Il y a un petit détail assez amusant. Donc son cercueil est rapatrié en Tunisie. Et les Algériens décident de l'enterrer, avec les honneurs militaires, dans un petit lopin de terre, dans un village qui s'appelle Gardimaou, qui est un morceau de terre algérien accessible à l'armée de libération nationale. Alors il y a quelques très belles photos, un peu émouvantes, de cet enterrement. On reconnaît des dignitaires donc, du gouvernement provisoire de la République algérienne, et puis beaucoup de soldats qui portent sa dépouille. Et on voit aussi un grand personnage qui est là, c'est l'officier du FBI, qui était un peu responsable de Fanon pendant son séjour aux États-Unis, qui a accompagné le cercueil et qui est là à l'enterrement lui aussi. Nasser Aghenif, sociologue. En fait, la façon dont j'ai redécouvert de façon intime Fanon, c'est la façon dont j'ai compris qu'en fait Fanon était en Algérie au moment où mes parents n'y étaient plus. Et ça, c'est quelque chose qui dit tout, en fait, de ce qu'a été cette période. C'est-à-dire qu'ils ne foulaient pas le même sol, alors qu'ensemble, ils se dirigeaient vers la même chose, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Puisque mon père, en fait, faisait partie de la Fédération de France du FLN. Et ma mère a quitté définitivement l'Algérie au début des années 50. Donc, définitivement, c'est-à-dire que oui, ils ne sont pas retournés en Algérie pendant la guerre. Ne pouvait pas y aller. Et c'est dans cette impossible rencontre que se joue aussi à la fois toute l'importance de ce qu'a été Fanon, de ce qu'il a représenté, et le fait qu'il y avait des impossibilités qui étaient au cœur de cette histoire-là. Et on pourrait se dire aussi, oui, pour le meilleur, parce que s'ils avaient rencontré Fanon à un moment donné de leur existence, s'ils avaient été en Algérie, d'abord ils auraient été dans une région qui n'était pas la leur, mais surtout ils auraient été face aux psychiatres, aux médecins psychiatres. Qu'est-ce que ça aurait dit, en fait, de la propre expérience de mes parents? Non pas qu'ils n'aient pas été affectés par ça, parce que ce qu'il décrit sur l'affection qui a saisi tous les Algériens et toutes les Algériennes à cette époque, je veux dire, la souffrance infligée par le colonisateur, ils l'ont sans doute vécu. Donc, à distance, ils ont pu être ces sujets d'observation, mais ils n'ont jamais été en face à face. Et donc, cette rencontre manquée, en fait, elle est à la fois rassurante pour eux, mais elle traduit quelque chose de profondément algérien, c'est-à-dire sur le fait que c'était quelque chose qui excédait le lieu, qui excédait le sol qu'on foulait, qui excédait les parcours des uns et des autres. Ça se vivait à distance, mais ils se sont rencontrés, en fait, à travers les écrits de Fanon et à travers le simple fait d'incarner cette façon d'être algérienne et algérien avant l'heure, puisque il ne l'était toujours pas quand il est mort. Franz Fanon au combat, un psychiatre dans la guerre d'Algérie, avec Alice Cherki, Jean Calfa, Sylvie Thénault, Hélène Moctefi, François Gèze, Romuald Foncoua, Daniel Maximin, Frédéric Sirier, Pape Ndiaye, Achille Membe, Nasser Aghenif et Magali Besson. Lecture, Gaël Fay, Hélène Losseur et Daniel Königsberg. Prise de son, Alexandra Bergel, Bernard Laniel et Pierrick Charles. Mixage, Éric Boisset. Franz Fanon, l'Indocile, une série documentaire d'Anaïs Quin, réalisée par Séverine Cassard.